Tu es parti d'un seul coup, rejoindre les plaines du grand Manitou. Tu n'avais pas vraiment l'âge pour voler par-delà les nuages. Nul ne savait le mal qui te rongeait. Tu l'avais bien gardé ton secret. Il était là sournois insidieux pour t'envoyer très vite aux cieux. Et nous on regardera le ciel pour y voir briller ton étoile. Et nous on regardera le ciel pour un souvenir éternel. Depuis que tu es parti loin, tu nous laisses tous orphelins. De ta famille à tes amis, tu as marqué tous nos esprits. On se réunira à nouveau devant un rhum ou un porto. Ouvrir la boîte à souvenirs, retrouver ton regard, ton sourire. Et tous on regardera le ciel pour y voir briller ton étoile. Et tous on regardera le ciel pour un souvenir éternel. Tu es parti d'un seul coup, rejoindre les plaines du grand Manitou. La vie t'a fait tourner la page, partir les par-delà les nuages. Et tu nous regarderas du ciel pour y voir vivre tes étoiles. Et tu nous regarderas du ciel, car ton amour est éternel.